Lebih terus berbomba. Kamu sekian. Together for the girl. Check cette musique de la merde, putain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que Linda de Souza a reçu une musique comme ça? Hey, est-ce que vous écoutez Linda de Souza? Est-ce que fait une musique comme ça? Merde. Possible français là, hein? Trop dans une truelle, je blesse. T'as fait ta gueule, caray. Fais un broche. Juste mon beat. Thank you. Sasso il disco portoghese. Sato mi so bled. Tutto bene. Buono. Avec un pacco di città. Un caschetto. Ti si sente per te. Sava un pot. Ti fai tu le te. Ti va a Mercedes. Tramen. Tu fai. Bacariao. Ti fai il vino verde, il bottiglia di vino verde, vino verde, e a patto scuro. Avec ça, c'est tout de l'été. Sonobus with UK pianist, and it work nice. Quasi zero latence. Sono, pa sonne bus, sonne bucarai tua mem. Sono bus, sono bus. Sono bus, sono bus, portugues. Fado. Vertagal, sparrer. No, it's okay. bitch. Yes, you can have a private server and a public server. You can create one. If example, if I go on, I create my public server like Moustache, example, and you can join. My favorite name of server is Moustache. La musique de Moustache. Est-ce que vous connaissez la chanson de Philippe Catherine, Moustache? La Moustache. Exact, c'est un truc de ouf. Vas-y, mets ton moustache. C'est un truc de ouf. Regarde, elle était complètement là. Je regarde ça, je suis mort de rire. Je pense que dans ma tête, il y a moi et l'odeur de mon slip, quoi. Yes, we can try. Hey, Karma, tu veux y aller? C'est Sonobus. Alors, Sonobus, c'est un truc, c'est comme ici. Sauf que, alors, vu qu'on est nous en France, ça devrait fonctionner. En fait, c'est ça. Ça s'appelle Sonobus, mais en fait, il faut juste installer. Et après, bon, les réglages, c'est assez simple. Hein. Some people from here go on Sonobus, not only on Moustache server.